j'vais m'zépau. Chaud sur Moschino, puis deux trois gars du Congo. C'est blindé à l'entrée, ça n'a pas l'air d'avancer. J'fais semblant d'être trop fun, j'évite les muggies, fais-moi rentrer. Ce soir c'est sûr, y'a les plus belles de Paname. Personne à ta table, t'es même pas michetonnable. Ce soir ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquanté. Ce soir ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquanté. Narcotrafiquanté, narcotrafiquanté. J'suis dans le club de l'année, fais les pleins dans le carré. Tu ne me reverras jamais, tout le monde est refait. J'suis entouré, gangster, défoncé, je gère.